Chapitre 6e. Cette reconnaissance avait été un vrai coup de théâtre pour Antoine. Mais pour le colonel et pour Thérèse, cette présentation fut la cause d'une profonde émotion. Ce mot, voici ma femme, il l'avait dit en riant, pour s'amuser de la surprise de son oncle. Mais il est des mots qu'on ne prononce pas impunément. Leur musique seule, même en dehors du sens qu'on y attache, trouble l'esprit et remue le cœur. Ce fut ce qui se produisit pour tous deux. Leur rire s'arrêta instantanément sur leurs lèvres et la rougeur empourpra leurs joues. Heureusement, Antoine vint en aide à leur confusion. « Comment, c'est toi ? » dit-il, « en grande dame. » « J'ai vu que ma cousine était mal à son aise dans ses vêtements fatigués, et je lui en ai cherché d'autres. Voilà tout ce que j'ai trouvé. »« Il est de fait, » dit Antoine en se regardant, « que je suis moi-même déguisé en monsieur. » Et il se mit à rire. Mais presque aussitôt, regardant autour de lui, « Et ma nièce, » dit-il, « ne nous la ferez-vous pas connaître ?» Cette fois, le colonel n'osa pas prononcer le mot qui était sur ses lèvres. « Votre nièce, c'est votre fille. » C'eût été appuyé plus qu'il ne convenait. « Le mariage dont je vous ai parlé, » dit-il sérieusement, « ne s'est pas fait et il ne se fera pas. Je vous demande pardon, mon neveu. Rassurez-vous, mon oncle. Vous n'avez pas, par votre demande, éveillé de pénibles souvenirs pour moi. Je n'ai pas été fâché de la rupture de ce mariage, que j'avais dû accepter contre mon gré. » Antoine regarda son neveu, se demandant dans sa simplicité primitive comment on pouvait se marier contre son gré. Mais il ne risqua pas tout haut cette question. Son neveu était d'âge à savoir ce qu'il faisait. La porte de la salle à manger s'ouvrit à deux battants. Le dîner était servi. Le colonel tendit la main à Thérèse. La table, dressée pour trois couverts seulement, paraissait toute petite au milieu de cette vaste pièce dont les boiseries noires étaient à demi noyées dans l'ombre. Toutes les lampes et toutes les bougies du lustre avaient été cependant allumées, mais leur lumière se concentrait sur la table et tombant plein sur les pièces d'argenterie, les cristaux et la nappe blanche, elle produisait un foyer de rayons éblouissants. Dans l'air flottaient de suaves odeurs de roses et d'héliotropes. S'appuyant sur le bras de son cousin, Thérèse eut un moment de trouble délicieux. Elle marchait dans un rêve. Ce fut sans trop bien savoir ce qu'elle faisait qu'elle prit place à table. Ses senteurs l'enivraient, ses lumières l'aveuglaient. La voix de son cousin la ramena à la réalité. « Eh bien, mon oncle, ne fait-il pas meilleur ici que sur la route d'Allemagne » dit-il. « Assurément, je ne suis pas gourmand, » dit Antoine, « mais j'avoue sans honte que l'odeur de ce potage me réjouit. » Et comme un naufragé qui a supporté un long jeûne, Antoine avala son potage cuillerée sur cuillerée. Le colonel le regardait en souriant. « Vraiment, c'est un plaisir de vous voir manger. » Et il fit un signe au maître d'hôtel pour qu'on emplit le verre de son oncle. « Ah, du vin français !» dit Antoine, « et rouge encore. » « Je n'aurais pas été assez maladroit pour vous faire servir du Madère et encore moins du Rüdesheim ou du Markobrunnen. » « Je vous assure que je n'ai pas été gâté par les vins du Rhin. Je ne les connais guère que de vue. Si je n'en ai pas bu, j'en ai cependant vu boire. Mais c'est égal. Il me semble qu'il y a 100 ans que je n'ai respiré le bouquet du Bordeaux. Et en chemin ?»« En chemin, il a fallu s'observer. » Sans doute, cette pauvre femme avait des provisions qu'elle offrait de partager avec nous. Mais c'eût été un crime d'accepter. Nous avons vécu comme nous avons pu. Nous avions 16 francs en passant la frontière, dit Thérèse. « Et combien vous restait-il en arrivant à Paris ?» demanda le colonel. « 7 sous. De sorte que si vous aviez eu 2 jours de retard, vous mourriez de faim. Et sur vos 16 francs, vous n'avez pas pu prendre 1 franc pour m'envoyer une dépêche et me dire d'aller au-devant de vous. Mon oncle, je ne vous pardonnerai jamais cela. » J'ai eu cette idée. Mais Thérèse était convaincue que vous n'étiez pas à Paris. Il se retourna vers elle. Mais elle baissa les yeux sur son assiette, comme si elle était attentive à chercher une arête dans sa truite. Antoine aurait voulu que le colonel le mît au courant de ce qui s'était passé en France depuis la déclaration de guerre, mais d'un coup d'œil, celui-ci lui montra les domestiques qui circulaient autour d'eux, et ce fut Antoine, alors, qui raconta ce qui lui était arrivé depuis qu'ils avaient quitté Paris. Ses espérances, ses déceptions, son emprisonnement, sa libération et enfin leur retour. Ce fut seulement quand le dîner fini, on rentra dans le salon, que le colonel consentit à satisfaire la curiosité de son oncle. Encore prit-il soin auparavant de renvoyer le maître d'hôtel qui voulait servir le café. « Posez votre plateau sur cette table, » dit le colonel, « et laissez-nous. »« Ma chère cousine, » dit-il, « vous voulez remplir le rôle de la maîtresse de la maison et offrir une tasse de café à votre père ?» Alors, toute porte close, il se tourna vers son oncle. « Pardonnez-moi de n'avoir pas tout de suite répondu à votre question sur ce qui s'est passé en votre absence. Soyez persuadé que je sentais combien devait être impatiente votre patriotique curiosité. Mais j'ai cru que la prudence exigeait de ne rien dire devant les domestiques qui nous servaient. Sans doute, je me crois sûr d'eux, et leur intérêt n'est pas de me trahir. Mais enfin, il aurait pu vous échapper des cris d'indignation, qu'il vaut mieux qu'on n'entende pas. » Et longuement, avec des détails précis, il fit le récit des événements qui s'étaient succédés depuis la déclaration de guerre jusqu'au jour où ils étaient. Mais si attentif qu'il fût à ne rien négliger dans ce récit, il ne quittait guère Thérèse des yeux. Comme elle avait été charmante dans ce rôle de maîtresse de maison qu'il avait pris plaisir à lui faire jouer. Et maintenant, comme elle était gracieuse. Assise dans un fauteuil, le coude posé sur la table, le menton appuyé sur sa main repliée, écoutant ce récit. Qui fût entré et l'eût vue pour la première fois sans rien savoir d'elle, eût cru assurément qu'elle était née et qu'elle avait été élevée dans ce salon. Au moins il le croyait lui, et c'était ainsi qu'il la jugeait. Son récit, le colonel l'avait fait en soldat, c'est-à-dire en homme qui juge les événements militaires dans leur cause et dans leur résultat. Il n'avait rien caché, rien atténué, et il avait fait de la situation présente un tableau désolant, mais par malheur rigoureusement exact dans toutes ses parties. Antoine l'avait écouté d'un air sombre, sans l'interrompre, laissant échapper seulement des exclamations de douleur. « Ainsi, dit-il quand le colonel se tut, pour vous, tout est perdu. Mon oncle, je vous ai parlé en toute sincérité, et comme je n'aurais parlé à personne dans cette grande ville. Car c'est un des mauvais côtés des Parisiens et des plus fâcheux, de ne pas vouloir écouter ceux qui les blessent ou les peinent. Il y a des gens qui voient tout en noir, eux voient tout en rose. C'est, je le pense, une affaire de tempérament. En temps ordinaire, c'est une charmante disposition que celle-là. En temps de crise et dans des circonstances aussi graves, c'en est une bien dangereuse. Ici, il faut mentir et arranger d'agréables histoires pour cacher les malheurs. Dire la vérité, c'est montrer des sentiments hostiles et se conduire en ennemi. Au contraire, tromper, inventer des récits fantastiques qui feraient hausser les épaules à des niais désintéressés, c'est agir en ami. On admet que ce qui est agréable, et il faut que ce qu'on entend ou ce qu'on lit soit de nature à flatter les illusions, sans quoi on n'écoute pas ou on ne lit pas. Depuis 3 semaines, j'ai vécu ici sans parler. Mais je vous estime trop, mon oncle. Pourquoi que vous n'êtes pas de taille à supporter la vérité? Je vous l'ai dite, ou tout au moins ce qui pour moi est la vérité. Mais précisément, parce que j'ai parlé en toute sincérité, vous devez vous tenir en garde contre mes appréciations. Et pourquoi donc? Parce que ce sont celles d'un soldat qui juge la guerre méthodiquement. La guerre, telle qu'elle se fait maintenant et surtout telle que la font les Prussiens, est une opération mathématique. Elle se décide sur le terrain, comme une partie d'échecs sur l'échiquier. Cependant, comprenez bien que je ne parle pas ainsi pour vous empêcher de faire ce que vous regardez comme votre devoir. Je sais que toutes les paroles du monde ne vous arrêteraient pas, mais je vous avertis des dangers de la situation. » Antoine tendit la main à son neveu et la lui serra fortement. « Maintenant, continua le colonel, j'ai encore une demande à vous adresser, et je compte que vous ne la repousserez pas. Retourner rue Charonne est impossible. Demain, vous seriez arrêté, et bien que je considère que cette arrestation vous mettrait en ce moment dans l'impossibilité de courir des dangers plus sérieux, je ne peux pas la souhaiter. D'un autre côté, allez tout simplement réclamer votre inscription dans la garde nationale en disant que vous rentrez en France pour défendre votre pays est tout aussi impraticable. On vous répondrait de commencer par faire votre prison. Vous avez donc des précautions à prendre, si vous ne voulez pas être arrêté dès votre arrivée à Paris. Voilà pourquoi, mon oncle, je vous prie de considérer ma maison comme la vôtre. Je crois que vous y serez plus en sûreté que partout ailleurs. Et d'autre part, En attendant que vous repreniez votre travail, votre place est ici. Ce serait me faire injure que de ne pas accepter ma proposition. Comme Antoine l'avait fait un geste pour interrompre, je sais ce que vous allez me dire, que vous avez besoin de votre liberté. Elle sera complète. Vous serez chez vous. Et s'il ne vous convient pas de vous exposer à la curiosité de mes domestiques, qui, j'en conviens, pourrait être gênante pour vous, voici la clé du passage de la rue de Valois. Par là, vous pourrez entrer et sortir sans que personne s'inquiète de vous. Ma cousine a-t-elle des objections contre cet arrangement ? Disant cela, il la regarda en souriant. Elle voulut soutenir un moment ce regard, mais elle sentit la rougeur lui brûler les joues. Elle baissa les yeux. « C'est à mon père de répondre, dit-elle. Et je réponds en acceptant cette offre comme vous la faites, dit Antoine, de bon cœur. Alors Thérèse se mit à sourire et levant la main. « Une question me sera-t-elle permise ? » demanda-t-elle. « Je vous écoute. » Elle prit sa jupe des deux mains et l'écartant de toute la longueur de ses bras. « Est-ce là l'uniforme de la maison ? » dit-elle. « Demain matin, ma chère cousine, je ferai des recherches que le dimanche rendait impossible aujourd'hui. Soyez tranquille, il ne sera fait aucune violence à vos goûts de simplicité. Votre uniforme sera celui que vous adopterez. » Il commença à se faire tard. Le colonel eut volontiers prolongé la soirée. Mais il n'oubliait pas que la journée avait été longue et fatigante pour Thérèse. D'ailleurs, il voulait entretenir son oncle en particulier. « À quelle heure vous êtes-vous levé ce matin ? » demanda-t-il en s'adressant à Thérèse. « Un peu avant le soleil, quand la fraîcheur du matin est venue m'éveiller sous la toile de notre voiture. Alors il n'est pas trop tôt, n'est-ce pas ? Pour vous dire que je me ferai scrupule de vous garder plus longtemps. À demain. » Antoine s'était levé en même temps que sa fille. Le colonel lui fit un signe pour le prier de rester encore. Mais ce ne fut pas Antoine qui saisit ce signe, ce fut Thérèse. Alors le colonel, voyant qu'il était découvert précisément par celle dont il aurait voulu se cacher, prit bravement son parti. « Mon oncle, voulez-vous me donner encore quelques minutes avant de gagner votre chambre ? Tant que vous voudrez, mon cher Édouard. Bien que j'aie peu dormi depuis 3 semaines, je vous assure que je ne pense guère au sommeil. » Thérèse, ayant embrassé son père et serré la main que son cousin lui tendait, sortit du salon. « Alors Antoine, s'avançant vivement vers le colonel et baissant la voix. « L'avez-vous vu ? » dit-il. « Est-ce de lui que vous voulez me parler ? » Il n'y avait pas à se tromper. Lui, c'était Anatole. « Je l'ai vu. Mais ce n'est pas de lui que j'ai à vous parler. C'est de Thérèse. Seulement pour ce que j'ai à vous dire, je serai plus libre dans mon cabinet. Voulez-vous m'y suivre ?